Et je passe immédiatement la parole donc à Ayman Hajji, qui est islamologue, docteur en littérature et civilisation arabe, qui est spécialiste de l'orientalisme allemand, fraîchement docteur, qui a travaillé donc au tout début de sa carrière de jeune chercheur. Elle a travaillé sur Taher Haddad, donc un réformiste tunisien des années, enfin, du début du XXe siècle. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un texte qui est très peu connu, d'une figure intellectuelle qui est très peu connue, à savoir Hayri Ibn Ayyad et son livre La femme turque, sa vie sociale et le harem. Donc tu as 45 minutes. Merci beaucoup, Makram. Je te remercie également pour m'avoir donné cette belle occasion de parler de Khari Ben Ayed. Et je voudrais d'ailleurs commencer par la question, pourquoi est-il important de s'intéresser à Khari Ben Ayed? Il y a au moins deux raisons. La première, c'est que son nom n'a pas été retenu par l'historiographie. Il existe en effet très peu de travaux qui évoquent Khalil Ibn Ayyad. On peut le compter sur le doigt d'une main, y compris dans les études qui s'intéressent justement à la question de la femme en islam. Donc aujourd'hui, il existe toujours des acteurs qui sont encore méconnus, et je dis bien acteurs parce que Khalil Ibn Ayyad était une actrice, elle n'était pas une adepte passive, comme on peut l'imaginer, d'une idée ou d'un mouvement. Elle était bien actrice. Donc ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que Khari Ben Ayed vient démentir l'hypothèse que le tout premier à s'être engagé pour les droits des femmes dans les pays musulmans, à savoir donc la première génération féministe dans ces pays, était exclusivement des hommes. Donc on cite souvent Qassem Amin en Égypte et Taher Haddad en Tunisie. Mais lorsque le livre de Khalil Ibn Ayyad a été publié en 1904, Taher Haddad n'avait que 5 ans. C'est important. Avant de commencer, je dois préciser que je suis actuellement à un stade avancé de la recherche. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire des recherches supplémentaires, notamment dans les archives à Vienne et à Berlin, où elle a laissé des traces. Donc, il y aura des questions auxquelles je n'aurai pas de réponse aujourd'hui et aussi des points qui doivent être approfondis. Mais je tenais tout de même à parler de Khalil Ibn Ayyad parce qu'il s'agit d'un personnage occulté et nous avons parlé hier du fait que de l'exclusion des femmes de l'historiographie, l'histoire ayant été écrite par des hommes. Et si je peux contribuer à combler certaines lacunes, je serai particulièrement appliquée. Donc, mon exposé comprend trois volets. Je vais dans un premier temps parler du contexte familial et sociétal de Khalil Ibn Ayyad. Et lorsque j'ai dit contexte familial, il s'agit notamment de son père qui est une figure célèbre. Une figure tunisienne célèbre. Concernant son contexte sociétal, je vais résumer rapidement le début du mouvement des femmes dans l'Empire ottoman. Je vais dans un deuxième temps donc présenter des éléments de sa biographie. Nous ne pouvons pas parler des biographies parce qu'il existe en fait, nous avons en fait très peu d'éléments vraiment de sa vie, et il est donc particulièrement difficile, voire impossible, de restituer sa vie ou sa biographie. Mais je vais présenter les éléments qui nous sont parvenus. Et donc, je vais finalement donc présenter ses idées principales qu'elle a donc présentées et qui sont dans son livre La femme turque, sa vie sociale et le harem. Donc, son père, Mahmoud Ibn Ayyad, est né en 1805 à Tunis d'une famille de l'aristocratie tunisoise. Il s'approche d'Ahmed Ier Bey et surtout du premier ministre Mustapha Khaznadar et parvient ainsi dès 1840 à s'hisser au plus haut poste de l'État tunisien. Et devient finalement ministre du commerce du Bey. Après avoir amassé une grande fortune, il s'enfuit en 1852 à Paris emportant avec lui une somme colossale d'argent volé au trésor tunisien. Selon le rapport de l'inspecteur des finances envoyé en mission à Tunis, il aurait détourné de 60 millions de francs. Comme quoi Ben Ali n'était pas le premier à s'être enrichi de caisse de l'État et à s'être enrichi. Malédiction avec les Tunisiens. Espérant qu'il ne s'agit pas ici d'une tradition tunisienne. Donc il s'installe à Paris et acquiert la nationalité française et achète des propriétés importantes, notamment l'hôtel Colo sur le quai Anatole France, le château de Bouges et la galerie Mandar. Il existe d'ailleurs, donc, il y a toujours ce passage Ben Ayed dans le deuxième arrondissement à Paris. Donc c'est là où se trouvait la galerie Mandar qu'il avait donc achetée. L'État tunisien va ensuite initier une poursuite judiciaire pour essayer de restituer l'argent volé. C'est d'ailleurs le grand vizir Khaled Toulsi qui sera en charge de ça. Il devient grand vizir en 1873. Donc le grand réformateur tunisien Khaled Toulsi, qui va mettre 4 ans essayant de restituer cet argent, mais il n'y parviendra pas. Mahmoud Ben Ayed va quand même ne plus se sentir à l'aise à Paris, ne plus se sentir en sécurité. Il va donc décider de s'installer à Constantinople. Et ceci en 1857, donc 5 ans après s'être installé à Paris. Et à Constantinople, il va donc commencer une nouvelle vie. Il réussit à pénétrer dans le palais du sultan et à établir un réseau influent parmi les courtisans. Il devient un dignitaire de la cour et s'est spécialisé dans le commerce des esclaves blancs. Et il va donc régulièrement offrir des belles femmes de ce commerce au sultan, et ce sera donc son lien privilégié, entre guillemets, avec le sultan Abdelhamid. Dans sa nouvelle maison, il a multiplié ses épouses et concubines, avec lesquelles il a eu plusieurs enfants, dont donc notre Khaled Ibn Ayed. Il décède en 1880 à Constantinople. Donc, le père de Khaled Ibn Ayed est donc cette célèbre figure tunisienne qui a marqué l'histoire de la Tunisie moderne d'une certaine façon. Je dis ça parce que la somme d'argent volé correspond en effet au montant de l'endettement de la Tunisie qui est à l'origine du protectorat français. Mais Khaled Ibn Ayed est donc né et a grandi à Constantinople. Et c'est pourquoi nous allons nous intéresser donc au contexte sociétal qu'elle a vécu, notamment le début du mouvement des femmes dans l'Empire ottoman. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les femmes de l'Empire ottoman ont commencé à s'interroger sur leur place dans la société et ont développé de nombreuses activités visant à améliorer leur position. Mais en général, les femmes de l'Empire, à l'instar des premières féministes occidentales, ont accepté l'ordre patriarcal de la société en tant que telle et n'ont pas demandé des changements radicaux dans les relations hommes-femmes. Et c'est grâce à l'interaction accrue entre l'Empire ottoman et l'Europe au XIXe siècle qu'un nombre croissant d'intellectuels ottomans se sont familiarisés avec les discours sur les femmes et leur position dans la société en Europe et ont commencé à remettre en question la position des femmes dans leur propre société. Donc des articles dans les journaux et les périodiques vont commencer à apparaître au XIXe siècle qui abordent des questions telles que la polygamie et l'éducation des femmes. Et en parallèle, donc, des articles sur la lutte pour les droits des femmes dans d'autres pays comme la France. En 1869, les rédacteurs en chef du journal Terraki, donc Tarak et Progrès pour Progrès, c'était l'un des plus importants quotidiens de l'époque, lance la publication du premier périodique féminin en turc ottoman sous forme d'annexe hebdomadaire au journal. Et ceci entre 1869 et septembre 1870. Donc il s'agissait d'une courte période. Cependant, cette initiative est ensuite suivie par beaucoup d'autres dans les années donc, qui vont suivre. Dans les journaux et périodiques réguliers, édités par des hommes, des lettres des femmes musulmanes ottomanes ont commencé à paraître. Et finalement, les femmes ont commencé à publier des périodiques elles-mêmes. La plupart, en revanche, sont de courte durée et ont cessé de paraître quelques mois ou même quelques semaines après le premier numéro. Mais il y avait une exception remarquable, à savoir le journal féminin le plus ancien, qui, bien appartenant à un homme, contenait principalement des articles rédigés par des femmes. Il s'agit de Anim la Ramassus Gazette, donc journal pour demoiselles. Il commence à paraître en septembre 1895 et a cessé son parution en 1908, voire donc après plus de 600 numéros. Et donc cette rédaction et la publication ont donc permis aux femmes de communiquer entre elles, de soulever des doléances au sujet de leur position inférieure, d'échanger des informations utiles et d'apporter leur soutien. Et une autre façon d'exprimer cette solidarité était la formation d'organisations des femmes, qui formaient donc en même temps un pont entre la vie privée et la vie publique. Donc non seulement les femmes musulmanes ottomanes, mais aussi d'autres femmes vivant dans l'Empire ottoman se sont organisées. Cependant, le nombre d'organisations mixtes, c'est-à-dire avec des femmes de diverses origines ethniques, était limité. Les femmes grecques, arméniennes et juives étaient souvent actives dans des organisations caritatives autour de leurs églises et synagogues, pendant que des femmes étrangères ont fondé leur propre club, tel que la Société des Abeilles, une organisation caritative fondée sous la présidence de l'épouse de l'ambassadeur de France. Les organisations des femmes allemandes et autrichiennes vivant à Constantinople. Et puis, au cours de la Première Guerre mondiale, des femmes allemandes et ottomanes ont fondé une organisation pour aider les familles des soldats. Cependant, l'internationalisme de cette organisation n'allait pas au-delà de la coopération à l'intérieur des frontières de l'Empire ottoman. C'est un aspect qui mérite d'être creusé, notamment la coopération entre femmes allemandes et ottomanes. Je n'ai pour l'instant pas plus d'informations, mais il reste néanmoins remarquable et important de savoir qu'il y a eu une telle coopération. Et c'est donc à ce dynamisme autour de la question du statut des femmes que Khaled Ben Ayed a décidé de contribuer de son côté et à sa manière. Qui était donc Khaled Ben Ayed? Elle est née le 20 septembre 1873 à Constantinople et son père Mahmoud Ben Ayed, bien que voleur, était néanmoins un homme éclairé et ouvert à la modernité. Donc, il a veillé à donner à ses enfants une bonne éducation, y compris Khairiya, qui a appris plusieurs langues, dont la langue allemande. Khaled Ben Ayed a épousé Ali Nouri Bey, un auteur et homme politique qui a occupé des postes importants, dont celui de vice-consul au Caucase et puis consul général à Rotterdam. Mais du fait qu'il deviendra un important critique du sultan Abdelhamid, il a publié des articles critiques en critiquant le sultan Abdelhamid. Il a publié également des caricatures du sultan. Il a été jugé par contumace et condamné à 100 ans de prison. Et il a donc dû rester en exil à Rotterdam. Alors, plusieurs éléments de la biographie de Khairiya l'ont probablement pu sensibiliser à la question du statut des femmes. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, son père avait plusieurs femmes et avait en même temps plusieurs femmes esclaves. Et le commerce d'esclaves femmes était d'ailleurs donc, sa source principale de revenus. Il vivait de ça, en fait. Et d'ailleurs, sa mère était ce qu'on appelait une odalisque, c'est-à-dire une femme vierge, une esclave vierge qui pouvait que pouvait avoir le statut de concubine et avoir des femmes, donc prendre épouse. Elle a été exclue aussi de l'héritage après la mort de son père par ses frères. Et elle a donc vécu l'injustice sociale à laquelle les femmes pouvaient être confrontées. On a vu, donc, ma collègue Myriam a très bien exposé donc, comment le sujet de l'héritage reste un des vecteurs principaux de l'injustice sociale auxquelles sont confrontées les femmes. Et puis, suite à l'exil d'Aliénor Ibn, Khalia, pas exil, mais aussi bon, exil et de rester à Rotterdam, Khalia a été empêchée par le sultan de suivre son époux, mais elle a réussi à s'échapper de la surveillance et de rejoindre Athènes sur un bateau français en compagnie de ses enfants. Et c'est d'ailleurs cette expérience donc, de persécution politique et d'exil qui a donné à Khalia l'occasion de s'engager dans la politique d'opposition. Elle a ensuite vécu dans plusieurs métropoles européennes, dont Vienne, où elle a donné plusieurs conférences sur la question de la femme musulmane. Et elle explique concernant sa motivation, je cite, « Lorsque j'ai réussi à défier la surveillance des espions du sultan et de me dépêcher avec mes enfants vers mon mari en Europe, j'ai décidé de donner à l'Occident un aperçu des conditions sociales du peuple turc et de susciter leur sympathie pour gagner leur soutien moral. » L'une de ces conférences qu'elle a données à Vienne a ensuite été publiée dans un livre en allemand intitulé « Die türkische Frau, ihr soziales Leben und der Harem » donc « La femme turque, sa vie sociale et le harem ». Elle est ainsi devenue l'une des premières femmes à avoir publié un livre, déjà à avoir donné une conférence. Et déjà la conférence était l'une des premières l'une des premières conférences sur les conditions des femmes musulmanes. Et donc, avec la publication de son livre, elle deviendra l'une des premières femmes à avoir publié un livre, voire même un texte. En 1904, le Conseil international des femmes a organisé un congrès à Berlin, lors duquel Khalia était présente en tant que déléguée. Donc, il serait important de savoir quel lien elle a pu tisser pour avoir être présente, déjà pour avoir pouvoir donner ses conférences, pour avoir publié ce livre et puis pour pouvoir être donc, présente à ces conseils en tant que déléguée. J'ai évoqué tout à l'heure les organisations des femmes allemandes et autrichiennes dans l'Empire ottoman. Nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une hypothèse, mais qui me paraît donc, probable, qu'elle a pu donc, établir des liens avec des femmes allemandes et autrichiennes avant son départ en Europe. Mais il s'agit d'une hypothèse et donc, j'essaierai de trouver des réponses à cette question. Après cet événement, on perd sa trace pour la retrouver quelques années plus tard à Tunis, où elle venait contester en justice donc l'affaire dans laquelle elle a été privée donc de l'héritage par ses frères. Et pendant son voyage à Tunis, elle retrouve son amie, la princesse égyptienne Nazlie Fahd, avec laquelle elle tenait donc des liens très étroit, et elle va d'ailleurs appeler sa fille Mazli, donc d'après sa princesse égyptienne. Je vais donc me permettre de faire une petite parenthèse, une toute petite, sur Nazlie Fahd, parce qu'il s'agit également d'un personnage important qui aurait d'ailleurs aussi mérité sa place dans ses colloques. Alors Nazlie était une princesse égyptienne de la dynastie de Mohamed Ali, qui avait épousé Khalil Pacha, ambassadeur de la Suprême Porte. Elle a partagé avec son mari ses voyages et déplacements vers plusieurs capitales européennes. Donc sa formation politique et sociale a bénéficié de cette expérience diplomatique. Lorsque Khalil Pacha meurt à Constantinople en 1879, Nazlie, qui avait 26 ans, va retourner donc au Caire et devenir une femme autonome. Les voyages de Nazlie la conduisent à Tunis pour la première fois en 1896 et une seconde fois en 1899. Il s'agissait des visites privées, pourquoi ? Parce que sa sœur Ruqayya était mariée à Tahar, au frère aîné de Khalil Ben Ayed. Lors de son second voyage en Tunisie, en 1899, elle rencontre un jeune fonctionnaire nommé Khalid Bouhaj, de 20 ans son cadet, et elle décide à l'épouser. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que depuis qu'elle était devenue veuve en 1878, Nathalie avait refusé plusieurs demandes en mariage, l'une venant d'un ministre du gouvernement et l'autre d'un prince. Donc, Nathalie se souciait en fait peu des bénéfices sociaux qu'il pouvait... Dont elle aurait pu donc profiter grâce à ce genre de mariage. Et elle préfère donc se marier à ce jeune fonctionnaire qui avait donc peu de moyens. C'était d'ailleurs le fils de Salem Bouhaj, donc poète et cheikh de la Zaytouna. Donc Nathalie s'installe ensuite à la Marsa et sa demeure est devenue un centre culturel qui a attiré les intellectuels tunisiens du fait qu'elle y a créé donc un salon littéraire et politique. La maison, donc sa maison, est également devenue le pivot de relations entre Tunis et le Caire, et c'est là qu'il y a des personnalités égyptiennes célèbres, comme le réformateur Mohamed Abd, lors de sa visite à Tunis, ont rencontré l'élite tunisienne. Et par son intermédiaire, d'importants Égyptiens ont établi des contacts avec les jeunes Tunisiens. D'ailleurs, non seulement des Égyptiens, mais aussi des représentants allemands qui sont entrés en contact avec les représentants des jeunes Tunisiens, donc chez Nathalie, et ils vont utiliser ces liens d'ailleurs pour mener, durant la Première Guerre mondiale, leur politique soi-disant contre-coloniale menée donc en relation de rivalité avec la France. Ça nous emmène trop loin. Donc tout là pour dire, donc, je referme cette parenthèse, pour retenir que des liens à long terme se sont tissés entre Constantinople, le Caire et Tunis, dans la sphère privée, mais aussi donc, dans les alliances matrimoniales. Et nous pouvons retenir que le rôle central de certaines femmes, comme Nathalie et Khairia, se manifeste dans des raisons informelles parallèles à la diplomatie officielle, telles que les cercles privés. Nous ignorons la date de naissance de Khairia, mais nous avons donc une indication, donc elle était toujours en vie en septembre 1913. Alors, le livre... Il s'agit donc d'un petit livre d'une soixantaine de pages qui contient une préface de Roswina von Balesch, romancière suisse qui a écrit plusieurs romans, dont Libération, qui raconte les difficultés qu'une femme rencontre dans sa carrière d'écrivain. Et dans sa préface, elle explique que Khairia espère que ses conférences et écrits attireront l'attention et peut-être plus tard, je cite, une action des femmes occidentales, une manifestation impressionnante avec des milliers de signatures recueillies dans tous les pays de culture. Donc on voit bien que Khairia était en fait bien ambitieuse dans ce qu'elle a donc donné à ses conférences. Il s'agit d'un témoignage très personnel où Khairia va décrire beaucoup de scènes de la vie sociale en Turquie et elle le fait d'une manière très engagée et le lecteur peut bien reconnaître donc sa grande détermination dans sa façon de parler. Je dis parler parce qu'il s'agit en réalité d'une conférence qu'elle a donnée. C'est pourquoi j'ai décidé de lui laisser la parole. J'ai traduit plusieurs passages que je vais citer pour aussi vous permettre de mieux apprécier son discours. Et dans son livre, elle aborde alors plusieurs sujets, notamment le harem, l'enseignement des femmes, le mariage, le divorce et l'esclavage. Mais il y a aussi un volet politique. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme en fait ses critiques des conditions sociales en une critique du gouvernement et du sultan. Elle est critique ouvertement et ses critiques sont donc bien ciblées, ce qui montre sa détermination et aussi son courage, parce qu'elle se positionne très clairement comme une opposante au sultan. Je vais donc maintenant présenter les points essentiels qu'elle a développés dans l'ordre chronologique en commençant par le harem. Alors, pourquoi est-ce que Khairia Ben Ayed parle du harem ? Elle explique que pour comprendre les coutumes et traditions, et pour se faire une idée réaliste de la vie domestique des musulmans, il est d'abord nécessaire de bien saisir la signification du mot « harem ». Et elle dit donc qu'on croit généralement en Europe que le mot « harem » ne signifie rien de plus qu'une, je cite, « collection des femmes plus ou moins belles, pour la plupart aux formes généreuses, qui sont enfermées par leur maître et propriétaire dans un appartement de luxe. On imagine ces femmes vêtues de merveilleuses tenues, se reposant sur des coussins meuleux, fumant un narguilé, n'attendant que le bon moment où un eunuque entre et leur transmet les ordres ou les souhaits de leur mari, ou plutôt de leur maître. Cependant, cette image contient une certaine poésie et ne correspond pas à la réalité. » Qu'est-ce qu'elle fait en fait, Raëlia ? Elle déconstruit l'image orientaliste du harem que l'on retrouve dans plusieurs dessins des peintres européens. Donc, j'ai mis quelques exemples, mais il existe en réalité une multitude, enfin une quantité innombrable de ce genre de dessins. Et cette image très sensuelle, voire érotique, car surchargée d'allusions sexuelles, s'est avérée bien tenace et s'est maintenue en fait très longtemps, donc, au 19e siècle, notamment dans le domaine de l'art, et au 20e siècle dans le domaine de la cinématographie. Pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui, où l'on retrouve le motif de la reine, particulièrement, ou donc oui, principalement dans le domaine de la prostitution. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une maison close, entre guillemets, distinguée, si je peux me permettre de dire ça, qui ne propose pas des pièces dites harem. Et on se souvient tous aussi, par exemple, des fêtes Bunga Bunga, donc de Silvio Berlusconi, qui avait engagé une trentaine de prostituées, ce qui a été aussi présenté comme le harem de Silvio Berlusconi. Et donc, Raëlia a ressenti assez tôt la nécessité donc, de déconstruire cette image. Qu'est-ce qui est donc le harem selon Raëlia ? Elle explique. Donc, le harem signifie d'abord et avant tout la partie d'une maison qui est destinée à la famille et dont l'entrée est interdite aux personnes étrangères. En ce sens, cela signifie les espaces habités et non pas les habitants. Et elle dit que le harem est inviolable au même titre que l'étaient les églises au Moyen-Âge où elles offraient refuge à toute personne persécutée. Et elle raconte ensuite, ce concernant donc une anecdote que je voudrais partager avec vous. Lorsque le célèbre Ali Souavi attaqua le palais de Chiravan à la tête d'un groupe de conspirateurs pour libérer un illustre prisonnier, le sultan Mourad V, Abdul Hamid s'enfuit à moitié mort de peur dans le harem et s'est réfugié sous le jupe d'une de ses femmes, dont le maréchal Namik Pacha le sortit ensuite. Dans cette situation peu majestueuse, il se croyait à l'abri des persécutions présumées par les conspirateurs. Donc ici, donc, le harem comme refuge. Donc même pour le sultan. Donc ce qu'elle évoque ici, Raïa, c'est un événement qui a lieu le 20 mai 1878, lorsque le journaliste Ali Souavi et un groupe composé majoritairement de réfugiés musulmans de Balkan attaquent le palais pour tenter de libérer le sultan. Et Ali Souavi sera tué ensuite lors d'une fusillade. Donc ça, c'est la première signification du harem. Dans un deuxième sens, elle dit le mot harem a un sens plus large qui est encore plus éloigné de celui de l'interprétation européenne. Il remplace le mot épouse, compagne de l'homme, et il est utilisé de préférence lorsqu'on veut éviter de marquer la différence entre l'épouse esclave et l'épouse libre, car harem, ou haram en arabe, désigne l'épouse esclave aussi bien que la femme libre. Donc ici, le mot harem donc pour effacer les différences entre épouse esclave et épouse libre. Et enfin, le mot harem, dans sa conception globale, signifie la maison au sens du mot anglais « home », notamment lorsque l'anglais dit « my home is my castle ». Et elle dit, lorsqu'on regarde cette maison turque de près, on constate que la situation de la femme turque est incomparable, elle dit, donc, c'est incomparable à celle de la femme européenne. Et dans ses propos, elle attire surtout l'attention sur les injustices sociales, notamment dans l'éducation et dans la pratique du mariage et du divorce. Et donc, en ce qui concerne l'éducation, qu'est-ce qu'elle dit? À l'école, si la fille en fréquente une, elle n'apprend qu'à lire le Coran. Mais comme le Coran est en arabe et qu'elle n'apprend pas l'arabe en parallèle, elle n'en comprend aucun mot, pas un mot en fait. Et ce qui fait qu'elle ne connaît en réalité pas sa propre religion. Et pourquoi? Car l'État ne veut pas que la religion, elle dit dans son vrai sens, soit accessible aux musulmans. Et c'est d'après elle, pour la même raison, que les parents et plus tard le mari lui interdisent généralement toute lecture, y compris la lecture des journaux publiés sous la censure des autorités. Et donc elle dit, je ne pense pas être trop défaitiste lorsque je dis que la Turquie entière compte à peine une centaine de femmes instruites. Aucune d'entre elles n'a fait ses études dans une école turque, mais elles avaient toutes des enseignantes étrangères dans leur famille turque. Elle dit que même ça, le sultan vient de l'interdire. Donc, il a interdit les enseignantes étrangères dans les familles turques. Et ce qui est important, c'est qu'elle dit l'islam n'est pas à l'origine de cette situation. Donc, l'islam offre en réalité aux femmes des droits et des privilèges qui satisferaient la femme européenne la plus exigeante. Mais le gouvernement force la femme musulmane à sombrer dans une ignorance flagrante par les conditions tyranniques qu'il lui a infligées pour la simple raison qu'on craint qu'elle exerce sur l'homme une influence inconfortable. Et elle est donc victime de ce qu'elle appelle un paternalisme en contradiction flagrante avec l'un des principes essentiels de l'islam qui exige du croyant qu'il ait un œil ouvert sur tout progrès culturel. Et elle passe donc de ça ensuite au sujet du mariage, pour dire que jusqu'à sa puberté, la femme turque n'est rien de plus qu'une machine entre les mains de ses parents. Une fois mariée, elle continue de l'être entre les mains de son mari. Et les conditions dans lesquelles le mariage sont célébrés reflètent cette nouvelle humiliation. Et cela commence déjà dans la manière dont la future mariée est choisie. Je voudrais partager donc ça avec vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Les femmes de la famille de l'homme désirant le mariage se mettent à la recherche d'une jeune fille pour lui, que ce soit dans la rue, sur un bateau ou encore chez un marchand de pantoufles, sauf si elles engagent une marieuse professionnelle. La victime, la jeune vierge, vêtue de ses robes les plus précieuses, est conduite à l'intérieur et elle est autorisée à s'asseoir sur un fauteuil au milieu de la pièce. Elle est assise là comme une poupée de paille, sans bouger, sans ouvrir la bouche. Les visiteurs, autant dire les acheteurs, la regardent, la déshabillent de leur regard pénétrant. L'une des visiteurs, la mère du jeune homme, lorsqu'elle est présente, embrasse la marchandise sur le front. Le marché est conclu. Si, en revanche, la fille ne leur plaît pas, elle se retire sans remplir cette formalité en disant « C'est bien, on verra, on y reviendra. » Comme lorsqu'on dit au marché « On veut y réfléchir, on trouvera peut-être mieux. » Donc, ce qui ressent très bien de cette situation, c'est le parallèle qu'elle fait entre le choix de la mariée et les transactions commerciales. Donc, elle parle d'acheteurs, de marchandises, de marchés, donc cela ressort très clairement. Et elle va donc ensuite écrire en détail comment le mariage est finalement célébré sur 3 jours, notamment un mercredi, un jeudi et un vendredi consécutif. C'est très intéressant, donc elle va consacrer 10 pages donc en détaillant donc les célébrations, donc comment le mariage est célébré. Donc c'est très intéressant d'un point de vue de sociologie, mais donc ce qui nous intéresse surtout donc dans le cadre de ce colloque, c'est qu'elle souligne surtout comment la jeune mariée est souvent forcée d'accepter le mariage, bien qu'elle ne soit pas d'accord. Donc elle dit, il est rare de trouver un mariage volontaire chez les musulmans, à savoir donc, un mariage où la femme est volontaire de se marier avec cet homme. Pourquoi? Parce qu'un mariage d'amour est considéré comme quelque chose de scandaleux. Mais, Il y a un remède au mariage malheureux, qui est donc le divorce. Outre la femme légèrement différente, il dit donc le divorce turc a le même caractère que le divorce européen. Et elle évoque ce qui est, d'après elle, donc une disposition juridique judicieuse pour protéger la femme d'un divorce trop arbitraire de l'homme. Donc l'homme doit payer une certaine somme qui correspond au rang et au statut de la famille. Et en cas de divorce, il doit payer un montant supplémentaire stipulé dans le contrat de mariage. Donc elle dit que ça, c'est, à la base, c'est quelque chose qui peut protéger la femme donc d'un mariage arbitraire. Cependant, les négociations et discussions qui ont lieu entre les parents du mari et ceux de la jeune fille avant la conclusion du contrat de mariage, elle parle de marchandage en fait, prennent souvent un caractère répugnant, surtout dans les milieux sociaux inférieurs. Donc, les situations peuvent virer et engendrer des scènes de bataille. Donc, il existe bien le divorce en Turquie. On pourrait penser que c'est un moyen pour rendre la liberté aux femmes humiliées. Mais en réalité, ce divorce est pratiqué avec une cruauté dont les Occidentaux n'ont pas conscience. Pourquoi ? Alors, l'homme peut se débarrasser de sa femme comme il le souhaite. Il cherche une excuse, invente une histoire, et souvent, il n'est même pas amené à justifier sa demande. Donc, il se débarrasse de sa femme comme il le souhaite. Mais la femme doit d'abord soumettre ses plaintes au tribunal et puis les prouver. Des raisons légitimant une demande de divorce du côté donc, de la femme sont l'homme. L'homme ne répond pas aux besoins alimentaires de sa femme. Il néglige ses devoirs conjugaux, c'est-à-dire n'entretient pas de relations sexuelles avec sa femme. Il sent mauvais de sa bouche, il se moque de la religion et il veut dissuader la femme de ses devoirs de femme honorable. Et on regretta ici le fait qu'elle n'expose pas, donc elle ne va pas expliquer ce que sont les devoirs d'une femme honorable. Et souvent, lorsque la femme est plaignante, une procédure qu'elle qualifie comme ridicule a lieu. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Après que la femme ait présenté ses plaintes, on apporte deux jarres. L'un est vide, l'autre rempli d'eau. Le juge laisse le mari s'avancer et lui ordonne de choisir l'une des deux jarres. L'homme choisit alors un et s'écrie « Il est plein ». S'il a raison, la femme n'a d'autre choix que de retourner au foyer conjugal. Si le jarre est vide, la femme a raison et on est obligé de prononcer le divorce. Cependant, si l'homme est doté d'un minimum de ruse, il suffit d'un seul regard de sa part pour voir lequel le jarre est plein et lequel est vide. Le jarre rempli change de couleur sur le bord. Donc, il n'y a pas de justice pour la femme turque. Elle n'a pas d'autre choix que de subir les injustices et elle reste toujours esclave, l'esclave éternel de l'homme. Et puis, elle va évoquer d'autres pratiques, deux notamment, qui nuisent, d'après elle, particulièrement au statut des femmes. Le premier, c'est que, selon les prescriptions religieuses, un homme peut épouser la même femme, trois fois et divorcer trois fois. Mais s'il pousse l'originalité jusqu'à divorcer trois fois et qu'il veut l'épouser une quatrième fois, alors il doit demander à un ami de l'épouser pour divorcer le lendemain. Ainsi, elle n'est plus sa femme divorcée, mais la femme divorcée donc d'un autre, et elle est alors autorisée de l'épouser. Et ce qu'elle critique donc particulièrement, c'est que cette pratique est religieusement pleinement reconnue. Donc, les hommes de religion ont reconnu cette pratique. Et la seconde pratique, c'est le fait qu'une femme donc, qui souhaite aller à la Mecque pour accomplir le pèlerinage doit être accompagnée par son mari. Et donc certains hommes ont fait de ce fait un business. Ils épousent la femme, l'accompagnent à la Mecque et une fois de retour, divorcent en demandant une somme importante comme contrepartie. Donc ici, encore une fois, la femme comme une marchandise. Pour Khaleya, il s'agit ici d'un déclin culturel qui est, donc selon elle, loin de ce qu'elle appelle le sens chevaleresque, le coutume poétique, les personnages nobles de ceux qui étaient imprégnés par la foi de l'islam et pratiquaient les lois de l'humanité. Donc, nous avons ici donc l'image d'un prétendu passé glorieux, une image récurrente que l'on retrouve donc, aussi aujourd'hui. Est-ce que j'ai encore le temps ? 5 minutes. Ok, alors, en ce qui concerne l'esclavage, je vais donc y aller vite. Alors, la dite nuit de la Vierge est l'une des plus grandes fêtes qui est célébrée tous les ans. Et elle dit qu'il est d'usage de présenter une esclave au sultan ce jour-là. Et cela ne se fait pas donc en secret, mais en public, donc apportant ainsi la preuve suffisante de l'impudeur avec laquelle l'esclavage est toujours pratiqué en Turquie. Et donc, elle dit, l'esclavage a corrompu la morale, il empêche la croissance de l'intelligence, il est un obstacle difficile au progrès culturel et il soutient la tyrannie du puissant. Il rend la position des faibles insupportable, en un mot, il rend impossible le progrès en Orient et en particulier l'émancipation des femmes. Et ce qui rend l'esclavage contemporain si injuste et cruel, c'est le fait que la coutume de traiter l'ennemi comme un esclave, qui était donc courante dans les guerres anciennes, et dit, appartient depuis longtemps au passé. Et par conséquent, l'esclavage du présent n'est qu'un crime contre la religion. C'est pourquoi, donc, je cite, « Je me sens contrainte de prendre le front le plus vigoureux contre un habit condamné par l'islam. » Donc, sachant que son père était donc vivait de cette de l'esclavage et du commerce des esclaves. C'est pourquoi donc je me sens contrainte de prendre le front le plus vigoureux contre un habit condamné par l'islam, notamment parce qu'il est soutenu par un camp dont nous sommes en droit d'attendre notre rétablissement. C'est précisément parce que ce camp soutient l'esclavage que l'effet sur notre organisation sociale est si dévastateur. Et je vais donc terminer, clore avec les mots de fin de Khaleya. Alors qu'au passé, la femme turque avait enduré son sort avec une certaine indifférence et est restée dans l'ignorance et l'inactivité, elle s'efforce maintenant de plus en plus d'être éclairée. Et malgré la résistance du gouvernement, une augmentation de la culture générale ne peut être niée. La femme turque aspire enfin à une perspective plus large. Elle veut, comme vous le pouvez déjà, mesdames, s'éclairer, faire des comparaisons, connaître d'autres personnes, d'autres pays, d'autres coutumes. Nous voulons nous inspirer de vous, les Occidentaux, et de ce que vous avez de bien, et vous avez beaucoup de bonnes choses. Nous voulons introduire ce qui est compatible avec nos conceptions, tout ce qui peut contribuer à un véritable progrès. Mais nous n'irons pas plus loin, parce qu'en Orient, nous avons aussi des bonnes choses dont nous ne voulons pas nous séparer. Donc, elle dit, en fait, ce que tu as évoqué hier, Makrima, la notion de l'imitation servile de l'Occident. Et elle dit, en fait, non, on ne va pas imiter donc, aveuglément l'Occident, mais on veut introduire ce qui peut nous permettre de progresser. Bien que la majorité des femmes turques soient encore à un très bas niveau d'éducation, elles possèdent la bonté innée du cœur et de nombreuses bonnes qualités qui sont une condition préalable à l'évolution sociale. Elles méritent donc non seulement l'inclination de leurs sœurs occidentales, mais aussi leur compassion et leur soutien. Et merci pour votre attention.